France Culture, Christine Bernard. Une histoire particulière. Pas facile d'écouter l'histoire atroce que nous ont raconté Nejma Bouakra et Julie Béressi hier dans le premier épisode de l'histoire des sœurs Papin. Oui, c'est nous qui avons tué. Nous ne regrettons rien. Telle est la première phrase que les sœurs, Christine et Léa Papin, prononceront lorsqu'elles seront découvertes enlacées dans le même lit le soir du 2 février 1933. Les deux jeunes servantes ont commis un double crime effroyable en tuant Madame Lancelin et sa fille. La maîtresse de maison est allongée sur le dos, ses yeux ont disparu, la bouche n'existe plus, les dents ont été projetées. À première vue, les armes du crime sont restées près des corps. On trouve un couteau de cuisine, un gros pot en étain déformé, ainsi qu'un marteau couvert de sang. Les policiers sont horrifiés. La scène est surréaliste. Les deux femmes seront emmenées au commissariat où elles seront interrogées. Face aux enquêteurs, elles confirment leur première déclaration. Aujourd'hui, nous allons tâcher de comprendre l'étrange passage à l'acte contre leur patronne des deux sœurs, Christine et Léa Papin. Les sœurs Papin et le troisième œil. Un documentaire de Nejma Bouakra et Julie Béressi. Épisode 2, l'énigme des sœurs Papin. Deux anges ? Non, deux monstres qui, au Mans, arrachèrent les yeux de leur patronne. Orbite vide, crâne défoncé, mais vivante encore, les victimes moururent après une atroce agonie. Paris soir. Ça a tout de suite beaucoup heurté. Tout de suite, les journaux s'en sont emparés du fait de la violence même de l'acte, qui est quand même assez exceptionnel. Et donc, tout de suite, la presse s'en est emparée, tout de suite, il y a eu des discussions psychiatriques, des positions différentes tenues par les psychiatres. Et très rapidement, ensuite, la littérature s'en est emparée, le cinéma, le théâtre avec Genet, et ça n'a plus jamais cessé. Comme elles sont belles, ces deux sœurs, avec leurs robes noires, leurs collerettes blanches, leurs bouches charnues, leurs regards farouches, note le psychanalyste Bertrand Pontalis, on dit d'elles qu'elles sont inséparables. Dans ce théâtre du fait divers, avec son raffinement de cruauté, se trouvent au bas de l'escalier deux agents assermentés, Ragot et Vérité, et au banc du tribunal, le docteur Truel et le bon docteur Logre. Le juge d'instruction a de très forts doutes sur l'état mental des deux sœurs. C'est pour ça que c'est lui qui va prendre l'initiative de désigner trois experts pour pouvoir examiner sur le plan psychiatrique les deux sœurs. Frédéric Chauveau, historien. Quelqu'un qui va énucler quelqu'un d'autre à main nue ne peut pas être sain d'esprit. Ou alors on peut s'inquiéter très fortement sur la sanité d'esprit de la société. Et en fait, les trois collègues psychiatres, eh bien, ils aboutissent à la même conclusion. Pour eux, finalement, ça relève non pas de la pathologie, parce qu'à ce moment-là, on glisserait du côté de la psychiatrie, mais ça relève plutôt de la psychologie, donc quelqu'un qui a un caractère un petit peu trop fort ou qui peut de temps en temps sortir de ses gonds et puis voilà, mener une action tout à fait répréhensible. Il est clair que la folie est finalement repoussée par les instances judiciaires comme étant plus dangereuse que le crime social, en fait. Bertrand Gilvy, philosophe. C'est ça qui est intéressant. Ils ont préféré choisir, parce qu'en fait, ils choisissent. Ils préfèrent choisir l'idée que ces deux sœurs sont deux criminels qui ont prémédité un acte de vengeance sociale. Bon, malgré toutes les apparences fantastiques de ce geste, plutôt que de s'affronter à l'incompréhensible de ce qui se produit. Dans le procès, la folie, l'ombre de la folie n'apparaît pas. Les deux sœurs sont parfaitement donc normales et on trouve même un argument pour se dédouaner en disant certes elles ont énucléé leur patronne, mais finalement Christine Papin était cuisinière et elle avait l'habitude de préparer les lapins de cette façon-là, donc on fait sauter les yeux à l'aide des pouces, et finalement, Christine Papin a reproduit les gestes de la cuisinière. C'est un crime de l'instant, un petit peu un crime de réaction. D'ailleurs, la justice, elle inventera en quelque sorte une catégorie qui est le crime de colère. Lors d'un interrogatoire, Christine a cette formule étonnante: « Je vous avoue que nous n'avons pas prémédité ce coup-là. » S'il avait été prémédité, il n'aurait pas été si bien fait. Oui, c'est une phrase qui est assez amusante, si on peut dire. Elle renvoie, je crois, en partie, dans mon souvenir, au fait que il y a dans cette mise à mort de ces deux femmes une espèce de rituel qui n'est pas sans rapport avec la cuisine et avec le fait de préparer un repas, de préparer un rôti, de préparer un gibier, bon, et de le parer. Bon, le fait qu'elle descende chercher des instruments de cuisine dans la cuisine, le fait qu'elle fasse un certain nombre de gestes sur ses deux corps, qui sont des gestes qu'on fait sur des pièces de viande qu'on va servir, etc. Bon, montre que à l'horizon de cette folie meurtrière, il y a l'idée qu'il y a quelque chose à faire, qu'il faut aller jusqu'au bout, et que elles l'ont fait dans le geste automatique acquis de ces deux domestique modèle qu'elles pensent être et qu'elles veulent être et dont on dit qu'elles le sont, voilà. Donc par conséquent que ça n'a pas été du tout quelque chose de prémédité comme crime, mais que c'est en bonne domestique qu'elles ont été jusqu'au bout de ce rituel culinaire. Aussi curieux que ça paraisse, je pense que dans cette phrase-là, il y a cette dimension-là. L'une des deux sœurs dit « Je vous assure que nous n'avons pas prémédité. Ce coup-là, s'il avait été prémédité, il n'aurait pas été si bien fait. » Oui, oui, c'est un trait absolument décisif, définitionnel en quelque sorte du passage à l'acte. Parce que le passage à l'acte des sœurs Papin est quand même très exemplaire de ce qu'on appelle passage à l'acte. Jean Allouche, psychanalyste. Qui, aujourd'hui, c'est un mot qui est passé dans le langage journalistique, des conversations courantes, et on en parle d'une façon qui est trop lâche à mon avis. C'est-à-dire qu'on mélange beaucoup de choses. Tout d'abord, si vous voulez, on considère que il y aurait quelque chose, il y aurait une certaine situation qui passe à l'acte, alors qu'il serait possible que ce ne soit pas le cas. C'est-à-dire que on pourrait espérer, on peut espérer, on croit pouvoir espérer que la parole aurait pu prendre place là où a lieu le passage à l'acte. Et c'est justement ça qui est une conception trop lâche du passage à l'acte. Justement, les sœurs Papin, le caractère non prémédité de leur acte est assez exemplaire du fait que, justement, c'était pas prévu, l'acte intervient en rupture. Pour elles-mêmes, c'est surprenant. Les passages à l'acte tiennent à des riens. Le passage à l'acte a quelque chose d'un surgissement complètement imprévisible. Et donc ça tient à ses broutilles, et dans le cas des sœurs Papin, c'est le fer qui est abîmé. Ça tient à trois fois rien. Elles mettent en place un rituel dans lequel toute leur vie est engagée. Toute leur vie passée est engagée. Bon. Elles exécutent un programme. Un programme qui est très ancien et qui est celui que les rapports qu'elles ont, qu'elles ont surtout avec leur mère, les a mis en condition d'exécuter. Voilà. Là, c'est étonnant et particulier. Le fait même que tout à coup, elle explose, en quelque sorte, ça l'est moins. Et cette question du regard, c'est-à-dire retirer les yeux de leur orbite, ce regard qui peut être le regard réprobateur, Qu'est-ce que c'est que ce regard? Je ne sais pas. Retirer les yeux de leur orbite. Oui. Ça reste mystérieux, de même que les coups de couteau sur les jambes, qui sont comme les gestes du boulanger sur la baguette pour tracer des marques. Et ça peut être lu comme avec un jeu de mots sur Papin. Mais vous savez, c'est très important. Dans toutes ces affaires-là, d'avoir une espèce de suspens, c'est-à-dire que tout ce qu'on peut dire, le marquer d'une note, oui, peut-être est-ce ça, mais peut-être n'est-ce pas ça, quoi. Même en ayant beaucoup étudié un cas comme celui-là, on n'a pas la vérité. La maison d'arrêt du Vergalan jouxte le palais de justice. La maison d'arrêt du Vergalan est jouxte effectivement le palais de justice situé dans le cœur de la ville. Et par le biais des fenêtres et des barreaux, on peut d'ailleurs entendre le son des corneilles ou des corbeaux. à l'époque comme aujourd'hui. Et les sœurs Papin se trouvent effectivement donc enfermées avec des compagnes. Mais toutes les deux sont séparées. Normalement, elles ne peuvent pas communiquer entre elles. Donc c'est très difficile pour elles. Et lorsqu'elles se retrouvent à un moment donné donc en prison, toutes les deux s'élancent l'une vers l'autre. Elles s'embrassent, elles s'enlacent. Et Léa et Christine diront toutes les deux que eh bien, c'est la seule famille qui existe véritablement. Et Léa affirmera que Christine joue le rôle non seulement d'une grande sœur, mais presque d'une mère qui essaye de la protéger, qui a des égards pour elle. Christine a amorcé de vouloir faire la grève de la faim. Et pendant 5 jours, du 5 au 11 février, s'est fort peu alimentée. Puis le 11, réunie à sa sœur pendant les repas, elle a pris une nourriture normale. Léa, comme sa sœur Christine, a tenté de faire la grève de la faim et a commencé à s'alimenter le 11 février, c'est-à-dire à partir du moment où elle a été autorisée à prendre ses repas avec sa sœur. Selon Madame Gély, gardienne de la prison, le 3 février, au moment où l'on a tenté de les séparer, Christine l'a menacée, elle s'est avancée vers elle les doigts à l'avant en disant « Nom de Dieu, de bon Dieu, vous ne direz pas que vous n'êtes pas complice avec la justice. » Docteur Schutzenberger. Ces deux sœurs que l'on a parfois décrites comme siamoises, elles doivent vivre difficilement cette séparation. Il faut imaginer que pendant plusieurs années, elles ont vécu ensemble. C'est leur seule famille, elles ne voient plus leur mère. Donc il y a un lien extrêmement fort qui s'est noué entre les deux. Et donc là, c'est une séparation brusque, c'est un déchirement total. Et pourtant, elles semblent liées, toujours liées, malgré les cloisons des prisons, malgré les murs. Oui, effectivement, elles semblent toujours liées, comme s'il y avait des informations qui circulaient à l'intérieur de la prison. Peut-être qu'une co-détenue a fait passer tel message ou a donné telle information, mais toutes les deux semblent effectivement communiquer, puisque, à un moment donné, Christine semble s'échapper un petit peu elle-même, elle se précipite vers la fenêtre, elle bondit. La grande surprise de ceux et celles qui étaient témoins de la scène, elle s'agrippe au barreau d'une fenêtre qui était placée assez haute. Et là, elle a l'impression de voir par la fenêtre, par cette ouverture, sa sœur qui serait attachée ou clouée contre un arbre et qui serait donc en train de suffoquer ou de dépérir. Et le lendemain matin, elle décide, en tout cas Christine, de changer de version. Elle demande à être reçue par le juge d'instruction. Léa fait exactement donc la même chose et toutes les deux changent de version sur ce qui s'est effectivement déroulé dans la maison des époux Lancelin. Et les deux versions des sœurs, alors qu'elles ont été séparées pendant 7 mois, vont concorder. Pourquoi cette deuxième version ? À la suite du crime, on les retrouve évidemment ensemble dans leur chambre. Elles ont eu le temps éventuellement d'échanger, mais elles reconnaissent aussi qu'elles se sont mises d'accord sur une version. Et cette version, c'est que finalement, le crime est partagé. Toutes les deux, à part égale, sont responsables de ce qui s'est passé et que finalement, le crime a été commis parce que c'était un crime défensif pour faire face à l'agression qu'elles ont subie ou en tout cas que Christine s'est présentée comme une victime, Madame Lancelin la harcelant, ayant même un geste brutal à son égard. Et puis, dans cette deuxième version, finalement, donc, Christine prend sur elle davantage de responsabilité de ce qui s'est passé. La sœur aînée protège la cadette et le verdict du jury l'attestera puisque Christine est condamnée à la peine de mort alors que Léa a une peine qui n'est pas une peine de prison à perpétuité. Cette nouvelle version des sœurs Papin donne une nouvelle forme au récit que l'on va en faire. Oui, désormais la distribution des rôles ne peut pas être établie de manière semblable. C'est donc bien Christine qui est responsable et qui est l'élément donc déclencheur du crime. Elle a l'ascendant. Et autrement dit, donc, sans ce geste de Christine, le crime n'aurait pas eu lieu. Et Léa, finalement, n'est qu'un comparse ou une complice qui, par solidarité, a accompagné sa sœur. Tout est d'ordre fictionnel, puisqu'il n'y a pas de phrase qui permettrait de dire ça, c'est ce qui s'est effectivement passé. Finalement, on l'ignore. Le propre du passage à l'acte, il est précisément là, c'est qu'il est inépuisable. La preuve, c'est que nous sommes là encore, depuis 1933, toujours en train de parler des sœurs Papin. Ce qui est étonnant, c'est que lorsqu'elles sont interrogées à plusieurs reprises, il y a ce mot « pareil », « pareil » qui revient. C'est-à-dire qu'on les interroge sur leurs actes, et ce mot « pareil » revient. Il y en a une qui construit quelque chose, Christine, et l'autre qui souscrit, mais sans y être. Je ne dis pas que Léa n'est pas dans le délire, je dis qu'elle est prise dans une forme de délire à deux, de folie à deux, qui est cette folie induite, où il y a quelqu'un qui est actif et quelqu'un qui accueille, qui reçoit la version que l'autre lui présente et la fait sienne circonstanciellement. Donc c'est un phénomène d'induction, on a dit d'induction, on pourrait dire de suggestion. Et donc c'est une manière aussi, on pourrait voir ça comme ça, c'est une manière d'éviter les questions, de les refuser finalement. Dire autre chose que ce que disait Christine à ceux qui l'interrogeaient, ça aurait été se désolidariser de Christine. Et ça, elle ne pouvait pas. Donc c'est pareil, ça veut dire fichez-moi la paix. Il est difficile d'admettre une autre version du crime que celle qu'ont donnée les sœurs, à savoir qu'elle fut soudaine, simultanée, portée d'emblée au paroxysme de la fureur. Chacune s'empare d'une adversaire, lui arrache vivante les yeux des orbites, fait inouï, a-t-on dit dans les annales du crime, et l'assomme. Les sœurs siamoises, un monde à jamais clos. L'affaire fait grand bruit, un jeune homme qui est encore peu connu, Jacques Lacan, qui a donc la trentaine, vient de terminer sa thèse, et lui s'intéresse aux sœurs Papin. Il ne les a pas rencontrées, mais pourquoi elle l'intéresse, Jacques Lacan ? Il y a un crime, et quel crime ? Et avec une étendue, une importance, une brutalité, une cruauté, bon, qui nécessite que le court-circuit théorique fort qu'il y a à faire de cette bestialité apparente une humanité authentique mérite un article, mérite que le rapport soit construit. Alors, dans l'article, Lacan laisse une grande place à la dimension sociale, sociologique, je dirais encore. C'est-à-dire qu'il dit encore, ce crime, c'est un crime de la condition domestique. Bon. Mais il glisse néanmoins entre les lignes de son argumentation le fait que ce qui est dominant dans cette condition domestique, c'est la construction du sujet, et que ces deux femmes sont dans une crise de la construction du sujet qu'elles résolvent à travers cette destruction, cette énucléation de ces deux autres femmes, parce que c'est le regard qui est porté sur elles qui doit être défait, démonté, déconstruit. Autrement dit, pour dire les choses très simplement, Lacan ne dit pas ces domestiques se vengent de leurs conditions au sens social ordinaire du terme, mais à travers leurs gestes, elles vengent la condition domestique dans son ensemble du regard qui est porté sur elles. Et cette vengeance, elle se fait à travers un geste qui n'est pas un geste de folie, mais qui est un geste psychotique, en ce sens qu'il construit un rituel, qui construit un monde dans lequel cette mise à mort est logique, le résultat logique d'une construction nécessaire. C'est ça l'innovation qu'apporte son article, c'est cette idée de construction. Le psychotique n'est pas quelqu'un qui subit quelque chose qui viendrait du fin fond de son corps amoindri, mais c'est quelqu'un qui construit une réponse à une question que sa vie ne permet pas de résoudre. La position de Lacan est, à mon avis, tout à fait pertinente, c'est-à-dire que on peut pas les considérer comme responsables de leurs actes, et il tente une première lecture, une première interprétation de ce qu'a été l'acte lui-même. Le chemin que j'ai parcouru depuis, à partir de lui, c'est cette découverte du délire de la mère, de la sœur aînée, au bon pasteur, toute chose qu'il ignorait. Parce que toute l'affaire réside dans ce point, à mon avis. Il y avait une sœur aînée qui avait été donc prise par ce que cette mère appelle les catholiques, qui avait été mise au bon pasteur. Et donc voilà. Catholiques. Mais elle les appelle comme ça. Et donc cette mère avait perdu son aînée, qui, après avoir séjourné un certain temps au bon pasteur, a souhaité être elle-même une religieuse. Et donc, pour elle, il était hors de question que ça soit nouvelle. Et donc, il y avait pour elle un grand souci que ses filles, Christine et Léa, restent dans sa dépendance. C'était la seule façon de s'assurer qu'elles n'étaient pas prises, ses filles, ou susceptibles d'être prises par les catholiques. Donc elle était elle-même persécutée. Persécutée par ceux qui lui avaient pris son aîné. Et il était hors de question que ça se renouvelle. Lacan disait paranoïa, et je dis folie simultanée. Plus exactement, folie à plusieurs. Ces deux femmes qui, enfin surtout l'aînée, donc Christine, qui vit sous le regard de sa mère depuis le début, une mère qui surveille ses filles en exerçant sur elles une rare violence qu'elle reproche aux employés d'exercer sur ses filles, c'est pour ça qu'elle passe son temps à essayer de les faire sortir devant. Elle vit sous ce regard-là, elles sont dans cette folie commune, toutes les deux, la mère et la fille, d'une nécessité de construire un moi idéal qui n'est pas celui que les maîtres envisagent, n'est pas le regard que les maîtres portent sur les domestiques. Et c'est ça qui explique très bien comment la première chose qu'elles font, c'est leur arracher les yeux, supprimer ce regard qui est porté sur elles. Et qui n'est pas un regard seulement social, sociologique, qui est un regard qui est le regard de la construction psychique déviée. C'est le regard que la mère portait sur les filles. Parce que le regard est plein, le regard laisse peu de place à soi. Le regard les prend tout entière. Le regard les prend tout entière, apparemment, oui, puisque c'est par là qu'elle commence. Le fait qu'elle fasse ça, qui est un geste assez rare dans l'histoire de la criminalité, montre effectivement que, comme vous dites, elles sont particulièrement tout entières sous le regard de cette mère, en effet, oui. On vous a détourné de votre mère. C'est pour que vous ne voyez rien de ce qu'on vous a fait, les misères qu'on vous fait depuis 6 mois. Revenez si vous le pouvez, et ne tenez pas à vos maîtres. Dieu n'admettra jamais d'enfermer 2 jeunes filles malgré leurs idées. Plus on est honnête, plus on est malheureux chez les catholiques. Partez, allez à la campagne le plus vite possible pour votre santé. Ne regardez pas à l'argent. On va vous faire tomber pour être les maîtres de vous. On vous enverra à l'hôpital, vous paierez bien plus cher. Et là, on fera ce qu'on voudra de vous. Partez, ne donnez pas vos 8 jours. Partez à la campagne. Voyez les maîtres Grignet, c'est une bonne famille. Et cela ne vous coûtera pas cher, et vous aurez du lait et du bon air. Du courage. Mon cœur vous parle, c'est pas ma bouche. On retrouve dans les archives des lettres de la mère, et la mère semble ressentir une forme de persécution. Oui. Oui, la mère était une persécutée, effectivement, donc une paranoïaque. Et c'est ça qu'elle a transmis complètement à ses filles, notamment à la fille aînée. Enfin, c'est pas la fille aînée, elle était partie au couvent, sans doute pour échapper à ça. Elle est allée, si je puis dire, se faire persécuter structurellement par l'Église plutôt que d'être persécutée par sa mère. Les 2 autres sœurs veulent en faire autant d'ailleurs. Elles cherchent toutes les 3 à vivre sous le regard de l'autre, en l'occurrence sous le regard de Dieu, d'un Dieu qui est quand même un Dieu chrétien qui est quand même un Dieu persécuteur. Pourquoi persécuteur ? Oh ben c'est un Dieu, ben il est, c'est écrit dans la Bible, c'est un Dieu jaloux qui surveille en permanence ses créatures, qui leur impose en permanence des règles de vie qui concernent le moindre détail de leur existence, c'est-à-dire non seulement les comportements extérieurs, mais même les pensées les plus intimes qu'on doit confesser, etc. Je pense pas qu'on puisse penser persécution plus radicale que celle-là. Et la mère qui a perdu l'aîné veut à tout prix conserver les 2 autres pour les persécuter elle-même. Et elle passe son temps à les empêcher d'être persécutée par quelqu'un d'autre que par elle-même, en fait. Et Christine, l'aînée, vit dans la perpétuelle culpabilité de se refuser à cette mère et de vouloir s'émanciper. Et elle est dans la culpabilité de cette émancipation. Et le moment où sa patronne lui reproche quelque chose qui est en quelque sorte le plus petit dénominateur commun, je dirais, de la totalité des gestes qu'elle fait habituellement pour échapper à la persécution de sa mère, c'est comme si elle se retrouvait tout à coup face à sa mère qui lui dit « Je t'ai suivi jusque-là, je suis là, je suis de nouveau là. » Et je t'accroche par quelque chose dont tu n'es pas responsable, justement. C'est pas toi qui as fait sauter les plombs, c'est pas toi qui as causé la panne d'électricité, et c'est ça que je te reproche. Et là, l'identification dans la mère est totale, et c'est pour ça qu'elle lui arrache les yeux. Oui, les plombs ont sauté, il fait noir. Oui, oui, ça se passe dans l'obscurité de cette scène, ce qui évidemment rajoute dans le côté cinématographique et spectaculaire. Oui. Parce que le regard est supposé. Ah, le regard est bon. On peut imaginer qu'on ne voit plus que le regard justement, qui brille dans l'obscurité. Et puis elle la voit suffisamment pour pouvoir atteindre ses yeux justement. Donc les yeux, ça brille dans le noir justement. Si vous voulez, la patronne a cessé à un moment donné de jouer son rôle. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas contentée d'être une patronne, parce que finalement, aussi épouvantable que cela apparaisse aujourd'hui, la façon dont les patronnes étaient des patronnes, par exemple, elle prenait des gants blancs qu'elle passait sur les plinthes pour voir s'il n'y avait pas de poussière, des choses comme ça. Donc, cette patronne, elle, à un moment donné, a glissé de son rôle de patronne à un rôle maternel. C'est-à-dire qu'elle a conseillé à ses bonnes de garder pour elle leur argent. Et ça, ça l'a mise dans une position, évidemment elle ne le savait pas, évidemment les sœurs Papin non plus ne le savaient pas, mais ça l'a exposée. Ça l'a exposée à être massacrée. Si elle était restée, je pense que si elle était restée dans une position stricte de patronne, rien de cela n'aurait eu lieu. Je crois que c'est trop d'attention qui a créé le problème. C'est le fait qu'elle soit sortie du strict rôle de patronne tel qu'il est pratiqué par les bourgeoises du Mans et d'ailleurs. C'est pas un manque d'attention, c'est un trop d'attention. Mon crime est assez grand pour que je dise ce qui est. Et un crime si grand qu'il parle de lui-même, c'est un peu ça l'idée. Oui, dans cette phrase qui est elle aussi étrange, qui est aussi toutes ces phrases sont ce qu'on appelle en psychanalyse des formations de la conscience, c'est-à-dire c'est des énonciations qui sont atypiques et qui sortent de la syntaxe ordinaire. Bon, celle-là, elle est intéressante aussi dans la mesure où, à travers elle, on voit que Christine a le sentiment qu'elle a atteint, sentiment inconscient, hein, qu'elle a atteint un grand niveau de visibilité. Au fond, c'est ce qu'elle pouvait faire de plus lisible et de plus visible, et qui correspondait le mieux à ce qui était sa pulsion la plus ancienne, la plus fondamentale, la plus archaïque. Elle atteint un sommet, elle atteint l'acmé de son désir, et donc il n'y a rien d'autre à dire. Tout est donné dans le spectacle qu'elle a réussi à mettre en scène. Elles sont soulagées ? Oui, sans doute en un certain sens soulagé, oui, et un autre sens, soulagé en ce sens que c'est fait. Quelque chose, on ne sait pas dire quoi, mais quelque chose a pris fin. Et donc, comme si une vie était accomplie à la limite. Vous savez, on dit ça, on dit que on peut mourir plus facilement si on a eu une vie accomplie, si on a eu une vie avec un certain nombre de réalisations. Et pour Christine, en tout cas, oui, quelque chose s'est accompli, comme le Christ en croix. Quelque chose a eu lieu. Et donc, il n'y a rien à ajouter. Christine, donc l'aînée des deux, se dissout finalement dans le néant, en quelque sorte, en cessant complètement de s'alimenter. Elle meurt sans avoir prononcé plus aucune phrase de cachexie vésanique. Et Léa a fait ses années de prison, et puis elle a été libérée. Et donc, quand Léa est sortie de prison, elle a fait son travail de bonne, elle a vécu comme ça, jusqu'à un âge avancé. Avec Jean Alouche, psychanalyste, Bertrand Ogilvie, philosophe, Frédéric Chauveau, historien, avec les voix de Anne Stephens et Benoît Marchand. Au mixage, Cédric Châtelut. À la coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Nejma Bouakra et Julie Bérissi. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30. Ce sera juste avant Noël. Nous vous raconterons un conte. Enfin, une histoire qui ressemble à un conte, sur une lande, loin, près de la mer. mais c'est une autre histoire.